sur la foi ses annulations. Louange à Allah qui fit grâce de la foi à qui il a voulu. Et qu'Allah salue et fasse louange de son dévoué messager, ainsi que sur les siens, ses compagnons et ceux qui les ont parfaitement suivis. Après quoi ? Certains étudiants en sciences m'ont interrogé sur une question au sujet de laquelle les polémiques se sont multipliées ces derniers temps. Cette question est : est-ce que les actes sont dans la foi une condition de validité ou de perfection ? Est-ce que la mauvaise éducation peut être une excuse pour celui qui insulte Allah ou son messager ? Et la réponse à cela est de dire : le Coran et la Sunna indiquent que la foi est un nom qui inclut 1. La conviction du cœur, qui est la reconnaissance et l'aveu. 2. La reconnaissance de la langue. 3. L'acte du cœur, qui est la soumission du cœur, sa volonté et ce qui suit, comme acte du cœur, comme le fait de placer sa confiance en Allah, l'espoir, la peur, l'amour. 4. Les actes des membres extérieurs, et la langue en fait partie. Et l'acte inclut les pratiques et abstinence de paroles et d'actes. Allah Ta'ala a dit, « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. » Et Allah Ta'ala dit, « Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Et Allah dit, « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. » Et Allah dit, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux, des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. » Et Allah dit, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. » Et Allah dit, « Quiconque a cru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » Et Allah dit, « Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre foi. » Il y a beaucoup de versets dans ce sens. Et dans les deux recueils de hadiths authentiques, il est rapporté de Ibn Abbas qu'Allah l'agrée que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ambassadeur d'Abdel Qaïs vint à lui, il, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Qui est ce peuple ? Et qui est l'ambassadeur ?» Ils dirent, « Rabi'a ». Puis il dit, « Bienvenue au peuple » ou « l'ambassadeur » sans aucune hostilité. Ils dirent, « Ô messager d'Allah, nous ne pourrons venir à toi qu'au mois sacré. » Et il y a entre toi et nous la tribu mécréante des Moudarites. Ordonne-nous donc un commandement auquel nous appellerons ceux qui sont derrière nous, et par lequel nous rentrerons au paradis. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, « Quatre choses, et leur ordonna la foi en Allah uniquement. » Puis il dit, « Savez-vous ce qu'est la foi en Allah uniquement ?» Ils dirent, « Allah et son messager savent mieux. » Il dit alors, « C'est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière et de donner la zakat, de jeûner le ramadan et de donner un cinquième du butin. Soyez assidus sur cela et informez-en ceux qui sont derrière vous. » Et toujours dans les deux recueils authentiques, on rapporte de Abu Huraira que le messager alayhi salatu wa salam dit « La foi fait entre 63 et 69 branches et la pudeur est une branche de la foi. » Et toujours dans les deux recueils, on rapporte de Abu Huraira que le messager alayhi salatu wa salam fut interrogé « Quel est le meilleur des actes ?» Il répondit « La foi en Allah et son messager. » Puis on lui dit « Et ensuite ?» Il dit « Le djihad dans le sentier d'Allah. » Puis on lui dit « Et ensuite ?» Il répondit « Un pieux pèlerinage. » Et dans l'authentique de l'imam muslim, on rapporte de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'il dit « J'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui d'entre vous qui voit une chose blâmable, qu'il la corrige de sa main, s'il n'en est pas capable alors de sa langue, et s'il n'en est pas capable alors de son cœur, et ceci est le minimum de la foi. » Et il est répondu que les imams de la sunna comme Malik ibn Anas, al-Awza'i ibn Jarir, Sofiane al-Tawri, Sofiane ibn Uyayna, Waqi'a ibn Jarrah et beaucoup d'autres que disaient « La foi est parole et acte ». Ce qu'il voulait dire par parole, c'est la parole du cœur et de la langue. Quant aux actes, c'est les actes du cœur et des membres extérieurs. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit dans « La croyance du juste milieu » « Al-Aqidatu al-Wasitiyya » et il fait partie des fondements des gens de la Sunna et de la Jama'a de dire que la religion et la foi sont parole et acte, parole du cœur et de la langue, et acte du cœur, de la langue et des membres. Il apparaît alors que le nom de la foi inclut tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné comme croyance, volonté, acte du cœur, parole de la langue, acte des membres, et pratique et abstinence. Ça inclut donc de pratiquer les obligations et d'abandonner les interdictions et les choses déconseillées, de considérer ce qui est licite comme étant licite et de considérer interdit ce qui est interdit. Et ces obligations et interdictions, voire les recommandations et les choses déconseillées, sont tous de degrés très différents. Avec cela, il nous apparaît alors qu'il n'est pas correct de dire que les paroles et les actes sont une condition de validité ou de perfection de la foi, mais nous disons que cela demande une mise en détail. En effet, le nom « acte » englobe les actes du cœur et des membres, la pratique et l'abandon. Il englobe aussi les obligations, qui sont les cinq fondements de la religion et les autres. Et cela inclut l'abandon du polythéisme et de la mécréance et des autres péchés moindres que ces deux-là. Quant à l'abandon du polythéisme et des différentes variétés de mécréance et le désaveu de ceci, eh bien c'est une condition de validité sans laquelle la foi ne se réalise pas. Quant à l'abandon du reste des péchés, c'est une condition de perfection de la foi obligatoire. Pour ce qui est de la soumission du cœur, c'est de s'incliner à suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est nécessaire pour cela comme acte du cœur, comme l'amour d'Allah et de son messager, la peur d'Allah et espérer en lui, reconnaître de sa langue. Pour ce qui est de la soumission du cœur, c'est de s'incliner à suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est nécessaire pour cela comme acte du cœur, comme l'amour d'Allah et de son messager, la peur d'Allah et espérer en lui. Reconnaître de sa langue, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est aussi une condition de validité sans laquelle la foi ne se réalise pas. Quant au pilier de l'islam, après les deux attestations, les gens de la sunna ne se sont mis d'accord sur aucun d'entre eux. Est-il une condition de validité ? Dans le sens que l'abandon est une mécréance, mais ils ont divergé sur la mécréance de celui qui abandonne l'un d'entre eux, même si le plus connu et le plus grand sur lequel ils ont divergé est les cinq prières obligatoires, car c'est le plus grand pilier après les deux attestations. Et il a été rapporté à son sujet des indications de la mécréance de celui qui abandonne la prière, comme par exemple le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit « J'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Entre un homme et la mécréance et l'idolâtrie, il y a l'abandon de la prière. » Et le hadith de Buraïda ibn al-Husayb qui dit « Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui l'abandonne est certes devenu mécréant. » Pour le reste des obligations de l'islam après les cinq piliers, il n'y a aucune divergence entre les gens de la sunna pour dire que ces actes sont des conditions de perfection de la foi de l'adorateur et que le fait de l'abandonner est une désobéissance qui ne le sort pas de la foi. Il faut dès lors savoir que ce que l'on veut dire ici par « condition » est son sens le plus général, c'est-à-dire la chose dont dépend une réalité pour exister, et ceci que cette chose soit un pilier de cette réalité, ou n'en fasse pas partie, ce que l'on appelle ici « condition de la foi » fait bel et bien partie de la foi. Et cette explication est tout à fait conforme à la voie de la sunna et de la jama'a. Si une personne ne considère pas celui qui abandonne la prière par paresse comme un mécréant, on ne dira pas d'elle qu'elle est un murji, tout comme on ne traitera pas de « haruri » celui qui le considère mécréant. Une personne est un murji lorsqu'il sort les actes du cœur et des membres de la nomination de la foi. S'il dit que les obligations sont obligatoires et que les interdictions sont interdites, et qu'il en découle un châtiment, alors ce sera la parole des Murji'a, al-Fuqaha, bien connue. Et c'est cela que les imams ont réprouvé et en ont démontré l'opposition au texte du Coran et de la Sunna. Et s'il dit « les péchés ne nuisent pas à la foi », car la foi c'est la connaissance, alors c'est ce que disent les extrémistes Murji'a, comme les Jahmiya, qui sont mécréants selon les pieux prédécesseurs. Par ceci nous apparaît la réponse à la question « est-ce que les actes sont une condition de validité de la foi ou de perfection ?» Et quelle est la voix des Murji'a à ce sujet ? Et je ne connais aucun imam parmi les anciens ayant parlé de ça, mais je ne le connais que de certains qui vinrent bien après. Après tous ces détails, nous avons préparé la réponse à deux questions. 1. Comment le mécréant de base se convertit-il à l'islam et à partir de quand l'affirme-t-on ? 2. Comment le musulman sort-il de l'islam, devenant ainsi un apostat ? Pour la réponse à la première question, c'est que le mécréant se convertit à l'islam et on lui affirme l'islam lorsqu'il accepte les deux attestations. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Quiconque reconnaît cela de sa langue sans le reconnaître dans son cœur, alors on affirme qu'il est musulman dans l'apparence. Et s'il le reconnaît de sa langue et aussi intérieurement, alors il est réellement musulman et il a en lui le fondement de la foi. Il n'y a pas d'islam sans foi et pas de foi sans islam. Et cette reconnaissance par laquelle s'affirme réellement l'islam inclut trois points. 1. La croyance dans le cœur. 2. La soumission du cœur. 3. La prononciation de la langue. Et la reconnaissance intérieure et extérieure se réalise par la soumission du cœur et la prononciation de la langue. Tout ceci inclut ce qui est connu chez les gens de science, de se conformer aux lois islamiques, qui est la foi en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en ce avec quoi il est venu, nouer son cœur à son obéissance. Quiconque n'est pas en conformité avec cela n'accepte pas réellement les deux attestations. Quant à ceux qui s'opposent à la reconnaissance du cœur, c'est le démenti, le doute et le détournement. Pour la soumission, elle inclut de répondre aux commandements, de les aimer, de les accepter et les agréer. L'opposé de cela est le refus, l'orgueil et la haine contre ceux avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'opposé de la prononciation de la langue, c'est le démenti ou l'hypocrisie. Celui qui reconnaît dans son cœur et démenti de sa langue, alors sa mécréance sera le reniement. Et celui qui reconnaît de sa langue et démenti dans son cœur, sa mécréance sera l'hypocrisie. Il naît de cela six catégories de mécréance. Toutes s'opposent à un fondement de l'islam. Ces catégories sont 1. La mécréance par démenti. 2. La mécréance par doute. 3. La mécréance par détournement. 4. La mécréance par refus. 5. La mécréance par reniement. 6. La mécréance par hypocrisie. Et il fait partie de la mécréance par refus et orgueil. Se refuser de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de répondre à son appel. Et ce même si dans le cœur, il le croit véridique et l'avoue de sa langue. Ceci est semblable à la mécréance de Abu Talib et tous ceux qui avouent extérieurement la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les juifs et autres. Pour la deuxième question, comment le musulman sort-il de l'islam, devenant ainsi un apostat ? L'essentiel de la réponse est dans trois points. Premièrement, ce qui s'oppose à l'acceptation des deux attestations. Il s'agit donc des six catégories de mécréance que nous avons citées précédemment. En effet, lorsque le musulman tombe dans l'une de ces catégories, il annule ses deux attestations et devient apostat. Deuxièmement, ce qui annule l'authenticité des deux attestations, qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. A. Ce qui annule l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. En effet, l'authenticité de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah est de mécroire au Tawhid et d'avoir foi en Allah. Et ceci englobe le monothéisme et ses trois catégories. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et descriptions. Ceci inclut de croire qu'il est Ta'ala, le Seigneur de toutes choses, et le Roi détenteur de toutes choses, et que ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Qu'il est la vraie divinité, que rien d'autre que lui ne la mérite, et qu'il est celui qui est décrit par toutes les perfections et purifié de tout défaut, et qu'il est comme Il s'est décrit lui-même, et comme il l'a décrit, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans abolir ses descriptions et sans faire de comparaison avec les descriptions des créatures, d'après la parole d'Allah Ta'ala. Il n'y a rien qui lui soit semblable, et c'est lui qui entend tout et voit tout. Et en même temps, il faut l'adorer lui uniquement et désavouer ce qui se fait adorer d'autres que lui. Il y a plusieurs choses qui annulent le monothéisme. 1. Renier l'existence même d'Allah, et ceci est la pire mécréance et déviance, et cela annule complètement le monothéisme. Le fait de croire en l'unique existence, wahdatul wujud, en fait partie. 2. Croire qu'il y a un autre créateur avec Allah, un autre gérant indépendant d'Allah dans la gérance et le contrôle de l'univers, et ceci est le polythéisme dans la seigneurie. 3. Croire qu'il y a quelque chose de semblable à Allah dans une description parfaite comme sa science et sa puissance. 4. Faire ressembler l'être d'Allah Ta'ala ou l'une de ses descriptions ou l'un de ses actes à une créature, comme le disent les anthropomorphistes. Il entend comme moi j'entends, il voit comme je vois. Entre dans cela également le fait de décrire Allah par une qualité rabaissante, comme la pauvreté, l'avarice, l'impuissance, ou lui attribuer une femme ou un enfant. 5. Croire qu'il y a quelqu'un dans la création qui mérite d'être adoré avec Allah. Et ceci est la croyance du polythéisme dans l'adoration, même s'il n'adore pas un autre qu'Allah. Et ces 5 catégories font toute partie de la mécréance et du polythéisme se rattachant à la croyance. 6. Adorer qui que ce soit avec Allah, par n'importe quel type d'adoration. Ceci est le polythéisme dans l'adoration. Que ce soit en croyant que cette chose profite ou nuise, ou qu'il le prétende être un intermédiaire qui le rapproche d'Allah. Cela inclut de se prosterner pour une statue. La différence entre ici et ce qu'il y a avant est qu'ici, on parle du polythéisme de l'acte qui annule le monothéisme de l'acte, ce dernier étant l'adoration d'Allah uniquement, alors que celui d'avant est le polythéisme de la croyance, annulant la croyance de l'unicité d'Allah dans la divinité et le droit à l'adoration. Cette forme de monothéisme fut appelée l'unicité de la divinité et de l'adoration, due à l'implication qu'il y a entre les actes et la croyance. Et son opposé fut appelé le polythéisme dans la divinité et l'adoration. 7. Renier les noms d'Allah et ses descriptions, ou la moindre chose de cela. 8. La sorcellerie, qui inclut ce qui sépare de l'homme de son épouse, comme la magie des gens de Babylone, ce qui ensorcelle les yeux des gens, leur faisant voir des choses sous une forme irréelle, comme la sorcellerie des magiciens de Pharaon. La sorcellerie qui consiste à souffler sur les nœuds, c'est la sorcellerie que pratiquaient l'Ubayd ibn al-Assam et ses filles. Et ces types de sorcellerie se font en donnant à Allah des associés en adorant un démon ou un astre. Quant à la magie truquée, qui consiste à la prestidigitation des mains et à faire des mouvements rapides, et la magie illusionniste, qui consiste à faire apparaître les objets sous une forme irréelle par trucage, ces deux types de sorcellerie ne sont pas de la mécréance, mais plutôt une forme de tromperie et de tricherie. B. L'authenticité de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. C'est qu'Allah l'a envoyé à toute l'humanité avec la guidée et la religion de vérité, et qu'il est le sceau des prophètes, et qu'il est le véridique, que l'on croit dans tout ce qu'il informe, et que sa guidée, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des guidées, de croire en lui, de lui obéir et de l'aimer. Et le suivre est une obligation pour tout un chacun. Et l'ensemble de ce qui annule l'authenticité de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sont les points suivants. 1. Renier son message, sallallahu alayhi wa sallam, ou le démentir, ou douter de sa véracité. 2. Renier qu'il soit le sceau des prophètes, ou prétendre qu'il y a un prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam, ou croire celui qui le prétend, ou douter de son mensonge. 3. Renier le fait que son message s'adresse à toute l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, en croyant qu'il ne s'adresse qu'aux Arabes, ou le prétendre, et qu'il n'est pas obligatoire aux Juifs ni aux Chrétiens de le suivre, ou qu'il soit permis à quelqu'un de sortir de sa loi, sallallahu alayhi wa sallam, comme le disent les philosophes et certains soufis ou autres du genre. 4. Rabaisser le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou critiquer sa personne ou sa guidée ou son histoire. 5. Se railler du messager, sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de lui, ou l'une des croyances qu'il nous a amenées, ou de l'une de ses lois. 6. Le démentir, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une des informations qu'il nous a données du monde, de l'invisible, se rattachant à Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au commencement et au retour, au paradis ou à l'enfer. C'est ce qui annule les deux attestations en même temps, et cela inclut les points suivants. 1. Démentir que le Coran émane d'Allah, et renier une sourate, un verset ou une seule lettre du Coran, ou prétendre qu'il est une création, ou qu'il n'est pas la parole d'Allah. 2. Préférer les lois humaines inventées à la loi d'Allah et de son messager, ou bien la considérer équivalente, ou légaliser de gouverner par ces lois humaines, tout en préférant la loi d'Allah et de son messager. 3. Déclarer ce qu'Allah et son messager ont permis comme étant interdit, ou déclarer interdit ce qu'Allah et son messager ont permis, ou obéir à quelqu'un dans cela. Attention, il faut savoir que, premièrement, aucune excuse d'ignorance n'est à supposer pour ce que nous avons précédemment cité comme catégorie d'apostasie, comme renier l'existence d'Allah ou démentir le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci rend mécréant tout individu, quel que soit son cas. Et il y a les cas où l'on peut supposer que la personne est excusée par son ignorance ou sa mauvaise interprétation, comme par exemple renier une chose avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam comme information ou loi. Pour cela, l'individu ne devient mécréant qu'après que la preuve lui ait été expliquée. Deuxièmement, c'est que quiconque laisse paraître sur lui l'une de ces catégories d'apostasie sérieusement, par plaisanterie, par flatterie ou par entêtement lors d'une dispute, c'est-à-dire sans y être contraint, devient mécréant d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quiconque a mécru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Fait partie de cela, se prosterner pour une statue par courtoisie envers les idolâtres, afin d'obtenir un rang social ou une faveur d'eux, en prétendant qu'il avait dans son cœur l'intention de se prosterner pour Allah et pas pour cette statue. Ceci car il laisse paraître la mécréance sans y avoir été contraint. Il entre donc dans le verset « Quiconque a mécru à Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » Troisièmement, ce qui implique de façon apparente, ou qui indique clairement l'absence d'acceptation des deux attestations à l'intérieur, et ce même si la personne, dans l'apparence, prétend qu'il accepte les deux attestations. Et ceci inclut 1. Se détourner de la religion de l'islam, ne pas la prendre, ne pas la pratiquer, ne pas se soucier de ce que l'on abandonne comme obligation et de ce que l'on commet comme péché, ni de ce qu'on ignore comme loi. Il faut savoir qu'une personne responsable ne sort pas de la mécréance par détournement de la religion qui implique l'absence d'acceptation de cette religion, en ayant quoi que ce soit comme qualité de piété ou de branche de la foi, car ces qualités se retrouvent chez des gens mécréants et croyants, comme le fait d'ôter du chemin ce qui l'obstrue, la bonté envers les parents ou rendre le dépôt. Mais plutôt, l'absence de détournement se réalise en accomplissant les obligations qui sont propres à la loi islamique avec laquelle est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le pratiquant avec foi et dans le but d'en recevoir la récompense. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit « Un homme ne croira pas en Allah et en son messager sans pratiquer une seule obligation exclusivement ordonnée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Remarque, c'est ainsi qu'est rapportée l'expression dans la fatwa, mais il serait peut-être plus adéquat de dire un homme ne croit pas en Allah et en son messager alors qu'il ne pratique pas une seule obligation exclusivement ordonnée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2. Que le gouverneur instaure une loi inventée par l'homme contenant des lois contredisant les lois formelles de la sharia inévitablement connue en religion, en refusant de gouverner par elle et de revenir à elle pour juger les gens, et en punissant celui qui juge par la loi de la sharia s'opposant à sa loi, tout en prétendant accepter l'obligation de gouverner par la sharia de l'islam, qui n'est que la loi d'Allah et de son messager. Il fait partie de ces lois idoles, taroutiennes, s'opposant à la loi d'Allah et de son messager. A. La liberté de penser. On ne tue donc pas l'apostat, ni ne lui demande de se repentir. B. La liberté d'agir. On n'impose donc à personne de prier ni de jeûner, et on ne punit pas celui qui délaisse cela. C'est remplacer la peine du voleur, qui est l'amputation de la main, par une amende et une réprimande. D. Empêcher l'application de la sentence sur les adultérins en faisant passer un accord entre les deux, à moins que le mari en décide autrement, ou autre genre de loi incluant l'autorisation de l'adultère ou l'abolissement de la peine de flagellation ou de lapidation. E. Autoriser la fabrication ou la vente d'alcool et empêcher de punir celui qui le boit. 3. Se faire l'allié des mécréants, juifs, chrétiens ou idolâtres, en les secourant contre les musulmans. Allah Ta'ala dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. 4. Le fait que le musulman abandonne la prière constamment, de telle manière qu'il ne prie que lorsqu'il y a des gens pour se faire bien voir, et même sans être en état de pureté. En effet, l'abandon de la prière dans ce cas de figure ne peut émaner d'une personne qui accepte intérieurement son obligation. Sa mécréance sera donc ici causée non pas par l'abandon de la prière au sujet duquel les savants des Ahl Sunnah ont divergé, mais par l'abandon de l'acceptation de l'obligation de la prière. Pour cette raison, il faut faire la distinction entre ceci et le cas de celui qui prie, mais qui n'est pas constant dans sa prière, en l'abandonnant de temps à autre et en manquant à ses obligations, comme l'indique le hadith de Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, qui dit qu'il entendit le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah a prescrit 5 prières à ses adorateurs. Quiconque les pratique sans perdre le moindre de leurs droits par mépris aura un pacte avec Allah pour entrer au paradis. Et quiconque ne les pratique pas et arrive sans avoir ce pacte avec Allah, il le châtiera s'il le veut ou le fera entrer au paradis s'il le veut. » Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 22, page 49 « Quant à celui qui persiste à l'abandon, à ne pas prier du tout et meurt ainsi, une telle personne n'est pas musulmane. Cela dit, la majorité des gens prient de temps en temps et abandonnent la prière de temps en temps. Ceux-là ne sont pas constants sur la prière et sont menacés. C'est d'eux que parle le hadith rapporté dans les Sunan d'après Ubada ibn Samit. Puis il cite le hadith précédemment cité. Donc celui qui est constant dans sa prière est celui qui l'a pris à son heure, comme l'a ordonné Allah Ta'ala. Quant à celui qui l'a pris des fois à son heure et des fois en retard, ou abandonne les prières obligatoires, une telle personne est sous la volonté d'Allah. Et il se peut que la pratique de ces prières surrogatoires complète ses manquements envers ces prières obligatoires, comme ce fut rapporté dans le hadith. Il dit également qu'Allah lui fasse miséricorde, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informa qu'il y aura des gouverneurs qui retarderont leurs prières. Voir dans Majmou' Fatawa, volume 22, page 61. Et si l'on dit, et c'est l'avis correct, qu'il la retardait jusqu'à ce que son heure passe, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à la communauté de prier la prière dans son heure. Et il dit, faites des prières, que vous priez derrière eux des prières surrogatoires. Et il leur interdit de les combattre. Celui qui la retarde jusqu'à son heure est un pervers. Or, la communauté n'est pas combattue pour le simple fait d'être perverse. Quant à ces dirigeants-là, ce sont des pervers et il nous ordonna de prier derrière eux les prières en tant que surrogatoire. Fin de citation. 5. Et également jeter volontairement le Coran dans les toilettes, ou uriner dessus, ou l'écrire avec des impuretés. Ceci ne peut provenir d'une personne qui croit que c'est la parole d'Allah Azzawajal. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit dans les Fatawa, volume 7, page 616. Et il est habituellement inimaginable qu'un homme soit croyant dans son cœur, accepte qu'Allah lui a imposé la prière, pratiquant la sharia du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce avec quoi il est venu, et que le gouverneur lui ordonne de prier, et qu'il refuse jusqu'à ce qu'il se fasse mettre à mort tout en étant croyant intérieurement. Il ne peut être qu'un mécréant, même s'il dit « j'accepte qu'elle soit obligatoire, c'est juste que je ne la pratique pas ». Cette parole, dans un tel contexte, n'est qu'un mensonge. De même, s'il prend un Coran et le jette dans les toilettes en disant « Je témoigne que ce qui se trouve dedans est la parole d'Allah » ou qu'il se mette à tuer un prophète en disant « Je témoigne que tu es le messager d'Allah » ou autre acte de ce genre annulant la foi du cœur. S'il dit « Je suis croyant dans mon cœur » dans un tel contexte, il aura alors menti dans ce qu'il aura prononcé extérieurement comme propos. Quant à la question « Est-ce que la mauvaise éducation peut être une excuse pour celui qui insulte Allah ou son messager ? La réponse est, insulter Allah ou son messager est parmi les annulations claires et évidentes de l'islam. car c'est du mépris envers Allah et son messager, car cela annule ce qu'impliquent les deux attestations comme glorification d'Allah et de son messager. Et la mauvaise éducation n'est pas une excuse pour une personne responsable pour délaisser une obligation, ni pour faire une interdiction, et encore moins pour commettre une catégorie de mécréance envers Allah. Et s'il était vrai que la mauvaise éducation soit une excuse pour ce genre de choses, les juifs et les chrétiens et autres qu'eux seraient alors excusés pour leur judaïsme, christianisme, etc. Et un musulman ne dirait pas une telle chose. Et celui qui prétend cela est un mécréant. On lui enseigne la chose, on lui demande de se repentir. Et s'il ne se repentit pas, il est obligatoire de le mettre à mort pour apostasie. Dans les deux recueils de hadiths authentiques, Abu Hurayra a dit que le messager a dit « Tout nouveau-né naît sur une saine nature première. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou masdéen. Tout comme le bétail met au monde un animal intact. Y sentez-vous des défauts ?» Puis Abu Hurayra dit « Si vous voulez, lisez la parole d'Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. » Allah Ta'ala dit, mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces. Et nous demandons à Allah de renforcer nos cœurs sur sa religion, de nous faire aimer la foi et de l'embellir à nos yeux, et de nous faire haïr la mécréance, la perversité, la désobéissance, et qu'il fasse de nous des guides, car il est certes entendeur des invocations, et qu'Allah salue et fasse éloge de notre messager Muhammad, sa famille et ses compagnons.